vous écris ce soir, le visage figé dans mon miroir. La peur me traque, ma raison ne fait plus loi. Je perds contact, je n'ose plus croire. Je voudrais compter à nouveau sur mes espoirs, ne plus plier, refaire surface. Tendre aimé, si je savais te croire.